Les extraits musicaux, Peer Gynt, La mort d'Az et La danse d'Anitra de Edvard Grieg, sont interprétés par l'Orchestre symphonique national tchèque pour Musopen, lu par Joseph Lange. Ceci est un enregistrement sous licence attribution 2.0 France.